Trouver une chanson, une petite chanson sympa. C'est E, EM, c'est ça? E. C'est quoi celui-là déjà? C'est quoi cet accord déjà? C'est ça non? C'est un si ça? T'as pas une batterie, Phil? T'as une belle batterie, toi. Non, c'est 60. Ouais, attends. Moi, j'aime bien mon effet disque, ok. Thank you. you can say they are we're alone tell them they don't stand there we're alone. Moi j'ai pas du tout le niveau hein. Si, j'ai fait l'accordeur. Je vais revérifier, mais je crois que j'étais... Attends. Non, non, elle est pas fausse, ma guitare. Du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai plus de son. Eh, elle est où ma guitare? Qu'est-ce que j'ai fait là? Micro, guitare. J'ai un problème. Charlie, nous avons un problème.